quand tu poses tes yeux sur mon corps, sa main dispose, je me sens tout chose, je suis une faux madose de cul. Je n'en peux plus, c'est anachlore. Est-ce que tu m'aimeras encore? Il faut que j'ose. Je suis rose et je pue. Il faut ma dose de haut. Quand tu dors, je fais le mort. Je ne respire plus, je me repose. Mais dans mes songes, je rue. Il faut ma dose de cul. Je n'en peux plus, c'est un éclat. Si pique l'ingénu, je soigne ses échymoses au moins que ma main s'enquilose sur son cuir chevelu. Il faudra que je l'arrose avant que la bête n'explose. Voilà qu'elle se promène nue. Je n'en peux plus, cette anachlose me tue.